Oye, Tommy, dame el fuego, papi. Faut pas que je perde le contrôle, j'suis dans l'automatique, j'me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse. J'viens de me casser la tessie. Trop de blèmes qui l'étourent dans ma cape et ça le verrait vite, donc j'en remets. À minuit, j'suis déjà dans un sale état. Au volant d'un gros bolide, j'fais le tour. J'barre dans la ville toute la soirée. Et les gens pensent que j'suis chez tout. C'est l'effet du jack et du rush d'amener. Bébé veut que j'lui fasse des mômes. Bébé veut que j'l'amène chez Cartier. J'me demande comment faire des loves. M'en fout de savoir comment elle s'appelle. Money, money, money, money. On se plaint pas tant qu'il y en a. J'me souviens plus ce que j'ai fait la veille. Oh là, oh là, oh là. Quand j'ai perdu le contrôle, j'suis dans l'automatique, j'me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Faut pas que j'fais de contrôle, j'suis dans l'automatique, j'me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse, rapta. Soir, j'suis dans ma verse. Bébé, faut pas que tu m'harcèles. J'vais te feinter comme CR7. Tes copines, elles sont pas mal. Moi, mon équipe, ils ont la recette. Pour 10 millions, pour me sentir vivant. Ma 10 millions, moi, j'suis encore vivant. Des grosses sommes, ouais, j'ai tout pris. Ils ont le seum, j'les vois tout petits. En chemise hawaïenne, on veut le monde. On fait la gueule, on les met à la mode. Kousi Kousa. Le poteau et tu sors, on va fêter ça, papara. Dans la cabeça, ton pérignon dans la cabeça. Faut pas faire de contrôle, j'suis dans l'automatique, j'me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Faut pas faire de contrôle, j'suis dans l'automatique, j'me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse, rapta, rapta. Soir, j'suis dans ma verse. Soir, j'suis dans ma verse. Soir, j'suis.